Salutations à toutes et à tous. Il s'agit ici d'une lecture ou conférence enregistrée concernant la magie du chaos. Donc, je précise d'emblée que je vais apporter plusieurs organisations au sein, au travers de cette lecture. Je ne vais pas m'attarder dans les détails de toutes les organisations parce que ce serait d'une part ce serait laborieux et d'autre part ce n'est tout de même pas l'objet de la présente lecture. Donc je m'en tiendrai aux faits les plus importants, mais en accompagnement de ces lectures, je pouvais télécharger un fichier PDF qui contient des liens internet intéressants, ainsi qu'une bibliographie conseillée. Donc vous pourrez, si vous le souhaitez, approfondir certaines choses. Donc la magie du chaos, hein, qu'on appelle aussi la magie punk ou la magie pour athée, voit ses origines. Ses origines sont en fait très anciennes. Alors on va commencer. Donc il faut premier parler de la Societas Rosicruciana in India, hein, qu'on appelle SRIA, pour faire plus court, qui est la Société Rosicrucienne d'Angleterre. Hein, donc Rosicrucienne, entendons par là Rose-Croix. Elle a été fondée en 1865 et elle accueille en son sein des maîtres maçons, donc de la franc-maçonnerie, membres de la Grande Loge Unie d'Angleterre ou membres d'une grande loge ou une obédience reconnue par cette dernière. Notons pour cela que la SRIA a des chapitres un petit peu partout dans le monde, mais que chacun de ces chapitres ne peut comporter que 144 membres maximum. Après quoi, il faut, comme on dit, essaimer, c'est-à-dire fonder un nouveau chapitre. Je ne vais pas trop entrer dans les détails parce qu'il n'est pas ici question de faire un cours ésotérique sur la Bible. Mais notons que le nombre 144 a une certaine importance dans la Bible, hein, puisque bon, déjà c'est la multiplication de 12 fois 12. Hein, le nombre 12, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, a une grande importance. Et j'imagine que le nombre de 144 membres ici doit sans doute faire référence aux 144 000 élus, entre guillemets, qui monteront directement au paradis, enfin en tout cas dans le nouvel âge christique, tel que cela est consigné dans l'Apocalypse de Saint Jean. Mais enfin, donc il va y avoir deux francs-maçons, deux maîtres maçons de la Grande Loge Unie d'Angleterre, à savoir William Wynne Westcott, donc 1848-1925, date de naissance et de décès, Samuel MacGregor Mathers, donc 1854 et décédé en 1918, qui était à l'époque également membre de la Societas Rosicruciana in India, hein, donc la SRIA. Ils vont prétendre avoir retrouvé dans la bibliothèque d'une loge maçonnique, mais l'histoire ne précise pas de quelle loge il s'agit. Ils vont retrouver un vieux manuscrit codé, qu'ils vont parvenir à déchiffrer, et ce manuscrit parlerait de réveiller le véritable ordre de la Rose-Croix. Et le manuscrit en question était soi-disant, je me permets de dire soi-disant parce que personne n'a jamais vu les documents, accompagné d'une lettre signée d'une certaine Anna Sprengel, une Allemande. On ne sait pas trop comment, mais William Winnow Scott et Samuel MacGregor Mathers vont réussir à entrer en contact avec la dite Anna Sprengel, qui va leur fournir encore plus d'éléments afin de pouvoir réveiller le soi-disant véritable ordre de la Rose-Croix. Vont se joindre aux deux compères William Robert Woodman, date de naissance, année de naissance 1828, année de décès 1891, et ces trois maîtres maçons vont fonder le Hermetic Order of the Golden Dawn, donc que l'on peut traduire par Ordre Hermétique de l'Aube Dorée, et ce en 1888. Donc en fait ce qui va se passer, c'est qu'ils vont, on va dire, reprendre les grades de la Sria, qu'ils vont appliquer à l'arbre de vie de la Kabbale, c'est-à-dire que chaque grade va correspondre à une des séphirotes, donc c'est-à-dire l'une des sphères de l'arbre de vie. La Golden Dawn va être un syncrétisme d'à peu près toutes les disciplines ésotériques de l'époque. Alors on va avoir, on va y retrouver la cabale, le tarot, la géomancie, la lecture dans les boules de cristal, l'alchimie, l'alchimie je précise au sens spirituel, hein, donc c'est-à-dire d'appliquer les principes alchimiques comme étant symboliques et permettant à l'individu de progresser. Un peu à l'instar des symboles maçonniques, mais je n'entrerai pas davantage dans les détails. Et à tout ça, ils vont créer un système de magie dite cérémonielle. Alors, quand on analyse les rituels de la Golden Dawn, qui sont très faciles à trouver sur Internet, que ce soit dans des livres, ou même, il y en a beaucoup qui circulent librement parce que, sur Internet, parce que bon, il n'y a pas de droit d'auteur dessus. On va remarquer que la magie cérémonielle est en fait, ressemble beaucoup au rituel de la franc-maçonnerie, mais sur lesquels on va venir greffer des éléments de magie, voilà, selon lesquels on pourrait invoquer des anges, hein, donc c'est-à-dire faire la, c'est ce qu'on appelle en ésotérisme la théurgie. Donc je ne vais pas entrer plus dans les détails, c'est à chacun de croire ou ne pas croire à ce genre de choses. Donc, et alors oui, c'est que là où, la légende qui sous-tend la Golden Dawn, parce que chaque ordre initiatique est souvent basé sur un mythe, une légende, ici il va s'agir de la légende d'Isis et d'Osiris. Voilà, c'est cette histoire, de l'histoire d'Isis et d'Osiris qui va être au centre de l'initiation au sein de la Golden Dawn. Alors, il va y avoir une première loge qui va être créée à Londres. L'ordre a été fondé en 1888 et la première loge va être la loge Isis Urania à Londres. Loge qui va tout de suite accueillir en son sein j'ai envie de dire un peu le crétin anglais. On va y retrouver Bram Stoker, donc l'auteur de Dracula, l'actrice Florence Farr, Aleister Crowley. Je vous invite à bien vous focaliser sur le nom Aleister Crowley, parce qu'il va jouer une importance décisive par la suite quant à la magie du chaos. Aussi, on va y retrouver par exemple Isabelle de Steiger, hein, très célèbre pour ses peintures. Donc ici, il faut comprendre, enfin vous l'aurez compris, la Golden Dawn sera non seulement totalement indépendante de la franc-maçonnerie, et d'autre part, il est à noter que c'est le premier ordre initiatique de l'histoire à avoir été mixte dès sa fondation. Avant cela, bien, il y avait des ordres initiatiques exclusivement masculins, hein, le plus connu étant la franc-maçonnerie, tout comme il existait des ordres initiatiques beaucoup moins connus, qui étaient réservés uniquement aux femmes, notamment la fameuse société entre guillemets secrète Lutania. Qui était dédié à l'étude de la Kabbale. Enfin, bon, en fait, comme je l'ai dit, je ne vais pas entrer dans tous les détails de chaque organisation. Et de toute façon, par rapport à la société Lutania, nous n'avons que de très, très, très peu de sources la concernant de toute façon. Alors, il faut savoir, donc, premier, je vais citer les loges de l'ordre. Hein, qui vont être fondées entre 1888 et 1905. Donc j'y reviens, la loge ici sur Annie à Londres, qui sera la plus importante de l'ordre en termes de membres. Puis il va y avoir la loge Hermès à Bristol, la loge Horus à Bradford, la loge Amon-Ra à Édimbourg, donc en Écosse, la loge Ahator à Paris, en France, et enfin la loge Osiris à Weston-super-Mare, donc de nouveau en Angleterre. Il faut savoir quand même une chose, c'est que les trois derniers grades de la Golden Dawn, donc qui sont Magister Templi, Magus et Ipsissimus, était soi-disant réservé au chef secret de l'ordre, qui serait, c'est une théorie que de toute façon on retrouve dans beaucoup d'ordres ésotériques, hein, qui seraient des initiés, qui auraient tellement atteint un niveau de perfection qu'ils n'auraient plus besoin de se réincarner dans des corps physiques, et qui ainsi inspirerait les membres de la Golden Dawn. Donc voilà, hein, ça aussi, je laisse à chacun le soin de croire ou ne pas croire à cette théorie, mais en tout cas, toujours est-il qu'elle est très fréquente dans les milieux initiatiques. Mais il va... au niveau de la Golden Dawn, très rapidement, il va y avoir des conflits par rapport aux deux dirigeants. Parce que bon, je rappelle que William Robert Woodman est décédé en 1891. Forcément, il n'a pas eu l'opportunité de connaître beaucoup la Golden Dawn, mais les deux, entre guillemets, dirigeants vont être William Winwood Scott et Samuel MacGregor Mathers. Alors, on va se retrouver face à un problème crucial. Donc, je vais vous parler de ces fameux chef secret ou chef invisible, enfin vous les appelez comme vous voulez. Et toujours est-il que manifestement, ils vont transmettre des informations différentes à William Winwood Scott et Samuel MacGregor Mathers. Hein, donc ce qui met déjà beaucoup à mal la théorie des chefs secrets, parce que bon, normalement, il devrait avoir une cohérence, mais là il n'y en avait pas. les deux fondateurs recevaient chacun des messages différents. Donc, en fait, derrière tout ça, il y avait déjà une question de lutte de pouvoir et d'ego. Et tant William Wynne Westcott que Samuel MacGregor Mathers voulaient être le seul grand maître de l'ordre qu'on appelait impérator, enfin qui devait s'appeler impérator. Donc voilà. Donc ici, si vous lisez, si vous vous intéressez à l'histoire de la Golden Dawn, on va vous dire que l'ordre a disparu en 1905. Moi, je dirais que c'est à la fois vrai et à la fois faux. Tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est que la loge A-Hathor de Paris existe toujours aujourd'hui. C'est la seule à pouvoir se prévaloir d'une filiation ininterrompue avec l'ordre de la Golden Dawn d'origine, il faut le savoir. Je précise au passage que, et ça c'est une bonne chose, les structures qui se réclament de la Golden Dawn aujourd'hui ne parlent plus du mot, n'utilisent plus le mot loge mais le mot temple. Et ça je trouve que c'est pas plus mal parce que ça évite les éventuelles erreurs par rapport à la franc-maçonnerie, qu'on distingue bien. Le mot temple permet d'éviter toute confusion entre la Golden Dawn et la franc-maçonnerie. Parce qu'en général, quand on parle de loge, ce sont des structures qu'on attribue à la franc-maçonnerie et pas à d'autres ordres initiatiques. Même si certains le font, enfin, ça, c'est pas l'objet de cette lecture. Donc moi, je dis que je suis à la fois d'accord et pas d'accord quant à la disparition de la Golden Dawn en 1905. Preuve en est qu'il va y avoir de nombreuses survivances qui vont se créer. Donc, par exemple, l'ordre saint de la Golden Dawn, donc le Holy Order of the Golden Dawn. Il va y avoir la Stella Matutina, qui existe encore aujourd'hui, qui est une survivance de la Golden Dawn. Il va en avoir tellement beaucoup. Il va même avoir un Celtic Order of the Golden Dawn, donc qui est un ordre qui existe encore de nos jours, mais qui remplace tout le panthéon égyptien de la Golden Dawn par un panthéon issu de la tradition nordique. Donc voilà, et qui mêle des pratiques druidiques aux pratiques de magie cérémonielle. Donc voilà, vous avez un petit peu, un aperçu. Donc voilà, bon, moi je crois que dans le cadre de ma lecture, je n'ai plus grand chose à dire par rapport à la Golden Dawn, si ce n'est de revenir sur le fameux Aleister Crowley, qui est né en 1875 et qui est décédé en 1947. Et qui est considéré par beaucoup comme étant le plus grand initié de tous les temps. Moi, j'avoue que je suis un peu d'accord avec ça, parce que bon, il a été initié à peu près dans tout ce qui pouvait exister comme ordre initiatique ou société occultiste. Donc voilà. Il va jouer aussi un rôle important dans la disparition de la Golden Dawn, entre guillemets, originale, puisqu'il va être le petit favori de Samuel MacGregor Mathers, on pourrait dire, si je puis m'exprimer ainsi, le petit chouchou. Donc, c'est-à-dire qu'Aleister Crowley va gravir très rapidement les grades de la Golden Dawn, au mépris des règlements qui imposaient une période minimum entre chaque grade. Lui, Aleister Crowley, va les franchir très rapidement. Alors là, il y a comment. Donc je vous dis, si vous voulez vous intéresser à la Golden Dawn et comprendre son système de grade qui est assez complexe. Je donne des sources dans le document PDF qui accompagne cette lecture. Mais les recherches historiques à ce moment-là divergent. Certains vont dire qu'il ne complétera jamais son parcours initiatique au sein de la Golden Dawn. Il va accéder à un certain nombre de hauts grades, mais qu'il ne va pas dépasser. Tandis que d'autres sources disent qu'il va aller à Paris, donc à la fameuse loge à l'époque à Hathor, afin de compléter son parcours initiatique dans la Golden Dawn et recevoir les derniers grades. En tout cas, j'ai envie de dire les grades entre guillemets humains, puisque les trois derniers grades étaient soi-disant réservés au chef secret. Par rapport à Aleister Crowley, moi je crois qu'il faut lui rendre justice. Il est pour moi le fondateur de la magie du chaos. Donc je vais un petit peu m'intéresser ici à Aleister Crowley. Donc il va se déplacer au Caire en Égypte en 1904. Et il va prétendre, encore ici, je mets tout ça entre guillemets, et je soumets ça au jugement de chacune et chacun, il va prétendre que le 8, 9 et 10 avril 1904, de minuit à 1h du matin pour chaque jour, il va être en communication avec une entité appelé Iwas ou Iwas, ça dépend. Parfois, au travers de son œuvre, on remarque qu'il n'utilise pas toujours la même orthographe. Alors là, ça va changer. Il va changer de discours à Aleister Crowley un petit peu. Premièrement, il va dire que en fait, Iwas est son ange gardien. Par la suite, il va prétendre qu'Aiwas est un démon, donc il va partir complètement dans le sens inverse, ou alors il va finir par dire que Aiwas est en réalité un extraterrestre de la planète Yugot. Donc voilà, et Yugot, il faut savoir que c'est une planète, si je ne m'abuse, je crois que c'est un nom alternatif pour la planète Pluton, et je ne suis plus sûr. Mais toujours est-il que celle-ci va, donc la planète Yugot va être évoquée par H.P. Lovecraft au travers de ses écrits romanesques. Là aussi, il y aurait conférence à faire rien que sur Howard Philip Lovecraft, hein, certains prétendant que ce qui se trouvait dans les livres n'était pas une fiction, mais bien des enseignements ésotériques véritables. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Donc, suite aux dictées de ce fameux Aiwas, Aleister Crowley va décréter la loi de Téléma. La loi de Téléma se résume par « Fais ce que tu veux sera le tout de la loi. L'amour est la loi, l'amour soumis à la volonté. » Donc ça, c'est l'axiome principal de la loi de Téléma. Mais si vous voulez connaître la loi en entier, j'ai envie de dire, il faut lire le livre de la loi d'Aleister Crowley, que l'on trouve gratuitement sur Internet, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de droit d'auteur dessus, ou alors vous pouvez l'acheter, il ne coûte pas très cher, hein, une dizaine d'euros, vous pouvez le trouver sur des sites comme Amazon ou la Fnac pour une dizaine d'euros, voilà. Donc voilà. Donc nous sommes en 1904. Trois ans plus tard, en 1907, Aleister Crowley va fonder son propre ordre initiatique qui s'appelle l'AA. Donc c'est A la triponctuation maçonnique, à triponctuation maçonnique, alors que cet ordre n'a jamais eu et n'aura jamais aucun lien avec la franc-maçonnerie. D'ailleurs, il faut préciser une chose importante à ce moment-ci, c'est que les adeptes, on va dire, d'Aleister Crowley vont essayer de traduire les lettres AA et souvent dans un latin très, très approximatif, hein, notamment ils vont parler de la Spum Argentum ou de la... Argentinum Astrum, enfin je vous dis, enfin en gros de l'étoile d'argent, parce que le système d'Aleister Crowley se répartissait, enfin il se répartit toujours en trois classes. La première classe c'est la Golden Dawn, la deuxième c'est l'ordre de la Rose Croix et le troisième c'est l'ordre de l'étoile d'argent, d'où la tentative de traduction en Astrum Argentum. Mais personnellement, j'ai l'œuvre complète d'Aleister Crowley. À aucun moment, dans aucun de ses livres, il traduit les lettres AA. Donc il ne donne pas la, il n'en donne pas la signification. Donc tout ce que vous pourrez lire sur le sujet en termes de traduction, ce sont des suppositions. Voilà. Pourquoi je considère qu'Aleister Crowley est le fondateur de la magie du chaos ? C'est-à-dire qu'il va déjà apporter une très très très grande réforme par rapport à la à la magie cérémonielle. Bon, premièrement, il faut savoir que dans la Golden Dawn, le système magique est extrêmement, je peux encore parler au présent puisqu'il y a des survivances de l'ordre, est extrêmement complexe. Il faut porter telle robe de telle couleur parce que telle couleur correspond à telle planète. Il faut, si on se sert d'une coupe, il faut absolument que la coupe soit faite en tel métal ou en tel alliage parce que ça a aussi une résonance avec des sphères de l'arbre de vie ou encore avec des planètes et ce genre de choses. Donc voilà, donc Aleister Crowley lui va balayer tout ça, et il va dire, il va décréter que ce qui est surtout important, c'est de trouver on appelle ça les armes magiques, hein, il faut que j'oublie de préciser, en magie cérémonielle, les accessoires du magicien. Qui sont, je le dis au passage, l'épée, le disque, donc le disque marqué d'un pentagramme, la coupe et le bâton. Ce sont les quatre armes du magicien. Il va dire que ce n'est pas important que ceci soit fait en tel matériel ou en tel métal. L'important, c'est d'avoir des armes magiques qui... avec lesquels on se sent à l'aise et qui correspondent à nos sensibilités. Donc déjà là, c'est une très grande réforme dans la magie cérémonielle. D'ailleurs, je vous invite à lire le Liber 777 ou Livre 777 d'Aleister Crowley où il détaille un petit peu tout ça. Et propose, mais c'est vraiment en tant que suggestion, des tableaux de correspondance entre les métaux et les planètes et tout ça. Et donc, mais il invite le membre de l'AA, à établir son propre système, plutôt que de reprendre un système déjà fait au départ. Voilà. Il faut savoir que l'AA existe toujours. Mais contrairement à la Golden Dawn, il ne s'agit pas d'un ordre qui a des temples ou des loges. Il n'y a pas de réunion dans l'art. En fait, vous avez un instructeur, entre guillemets, qui doit pouvoir faire remonter sa filiation par des diplômes et par d'autres documents, faire remonter sa filiation à Aleister Crowley. Donc voilà, c'est le moyen d'identifier un véritable, entre guillemets, instructeur de l'AA. Et puis quand l'initié arrive à un certain grade, il peut commencer lui aussi à enseigner. Voilà. Et alors, ce qui est étonnant dans le système de Crowley, c'est qu'il y a deux grades préparatoires, à savoir celui d'étudiant et celui de stagiaire. Donc, ce sont deux grades préparatoires, et là, c'est assez perturbant. C'est que l'AA entend vous enseigner la magie, mais avant de vous enseigner la magie, elle vous demande d'explorer et d'éventuellement déjà faire un syncrétisme et ainsi créer votre propre système magique. Et la période de probation dure une année. Donc pendant une année, le membre, ou futur membre, puisque il est en période de probation, doit chaque semaine doit tenir un journal dans lequel il consigne toutes ses expériences et ses recherches en termes de magie et d'ésotérisme, et chaque semaine il doit envoyer un rapport à son instructeur. Voilà, maintenant moi tout ce que je sais par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui cette durée d'un an de probation est souvent réduite. Aujourd'hui, ça tourne à peu près davantage entre de 3 à 6 mois. Voilà. Ça, je suis au courant de cela et de cette évolution. Voilà, la période de probation est beaucoup plus courte aujourd'hui. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, Aleister Crowley va déjà réviser totalement la magie et va aussi simplifier certains rituels de la Golden Dawn. Notamment, il y a ce qu'on appelle les deux crises, enfin, oui, les deux crises du magicien. Dans la Golden Dawn, il n'y avait qu'une seule crise, c'est-à-dire l'opération du Saint-Ange gardien. L'opération du Saint-Ange gardien est inspirée d'un vieux grimoire, je ne sais plus si de quel siècle il est exactement, mais c'est du 13e ou 14e siècle, qui s'appelle la magie sacrée d'Abramelin et qui détaille tout un rituel qui permettrait à l'initié de se mettre en contact avec son véritable ange gardien, c'est-à-dire ce n'est pas forcément l'ange. L'horoscope, que je me permets d'appeler l'horoscope à deux sous, vous attribue. Non, il paraît que selon cette théorie à laquelle on est libre de croire ou de ne pas croire, notre véritable ange gardien est tout autre et on peut découvrir qu'il est réellement au travers du rituel d'Abramelin. Mais il faut savoir que le rituel d'Abramelin s'étale en 3 phases et chaque phase dure 28 jours. Donc c'est pas forcément très évident et quand vous lisez le rituel, vraiment à moins de vouloir vivre en ermite, c'est quasi irréalisable. Si vous êtes marié, que vous avez un emploi, c'est pas possible. Parce que bon, il faut être tout le temps concentré et prier, faire diverses opérations tous les jours. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc la Golden Dawn, elle va déjà proposer un rituel beaucoup plus simple que le rituel d'Abramelin, mais qui est censé mener au même résultat. Donc on appelle ça dans la Golden Dawn la crise de, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on appelle ça la crise du magicien. Parce que bon, c'est une opération qui apparemment est très éprouvante et qui peut même devenir dangereuse. Bon. Dans le système de l'AA d'Aleister Crowley, il y a deux crises. La première crise est celle du Saint-Ange gardien. Et alors pour ça, Aleister Crowley va encore simplifier le rituel qu'il va publier sous le nom du Liber Samec. Donc voilà, ce qui est son rituel pour atteindre la conversation avec notre entre guillemets ange gardien. Et puis il faut savoir que dans le système de Crowley, les trois grades logiquement réservés au chef secret, dans le système de Crowley, il n'est plus question des chefs secrets. C'est-à-dire que les grades de Magister Templi, Magus et Ipsissimus sont accessibles à l'initié, mais pour y accéder, il faut traverser entre guillemets l'abîme qu'Aleister Crowley considère comme étant être la deuxième crise du magicien. C'est-à-dire qu'il va falloir savoir commander aux démons. Donc c'est un rituel qui se passe sous 3 jours consécutifs où le magicien ou la magicienne, puisque là aussi tout comme la Golden Dawn, l'AA est mixte, va devoir apprendre à soumettre les démons à sa volonté. D'ailleurs, cela avait été adapté au cinéma il y a à peu près 10 années, mais malheureusement, je suis désolé, impossible de revenir sur le nom du film. D'ailleurs, si je réussissais à retrouver ce nom, j'essaierai de me procurer le DVD ou le Blu-ray, mais je suis désolé, je ne me souviens plus du nom de ce film. Mais ça a été porté au cinéma. Donc voilà, l'initié parvient au grade de Magister Templi, et pour parvenir au grade de Magus, il doit déclarer sa propre loi. C'est-à-dire qu'il doit, entre guillemets, oublier tout ce qu'il a appris dans la A et construire son propre système magique et l'enseigner. Donc déjà il y a un truc quelque un petit peu contradictoire, donc c'est-à-dire que là on continue d'enseigner par une chaîne d'instructeurs ou initiateurs, initiateurs à initiés, mais pour parvenir au grade de Magus, l'initié doit produire son propre système cohérent. Donc voilà, c'est pas très facile. Et quand l'ultime grade d'Ipsissimus, mais voilà, Aleister Crowley lui disait détenir ce grade, mais il n'a donné dans son œuvre que très très très très peu d'informations en ce qui concerne la manière de l'atteindre. Il a dit notamment que par rapport au grade d'Ipsissimus, que toute chose était à la fois vraie et fausse. Donc voilà. Maintenant, moi, quand je creuse un petit peu avec ma conscience cette histoire de rien n'est vrai, tout est à la fois vrai et faux, j'aurais un petit peu du mal avec ça de toute façon, parce que par exemple, on ne peut pas dire, si moi je donne l'affirmation la pédophilie est un crime, je crois qu'il est très difficile de déclarer que la pédophilie n'est pas un crime. Donc pour moi, cette histoire de toute chose est à la fois vraie et fausse, je n'arrive pas à la saisir de toute façon. Mais de toute façon, une chose que je sais, que j'ai appris par mes recherches, c'est que si vous tombez sur un instructeur qui se dit détenir le grade d'Ipsissimus, vous pouvez être sûr à 99%, vous êtes face à un imposteur, parce que les membres sérieux, je vais dire, de l'AA, qui ont publié eux-mêmes des livres, des recherches sur l'ordre, le disent eux-mêmes, on n'a pas assez d'informations concernant le grade d'Ipsissimus, donc on ne sait pas comment l'atteindre. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Nous allons passer, mettre les pieds vraiment dans ce qui va être la magie du chaos. Nous allons parler ici d'Austin Osman Speer, qui va être un des premiers disciples, si j'ose dire, d'Aleister Crowley dans l'art. Donc, rien que pendant la période de probation, Austin Osman Spare va aller jusqu'à la fin de la période de probation avant de recevoir le premier grade de l'art, mais qu'il va trouver trop dogmatique malgré les grandes réformes d'Aleister Crowley par rapport à la Golden Dawn. Austin Osman Spare va déclarer c'est trop dogmatique, ça ne me convient pas. J'ai oublié de préciser l'année de naissance d'Austin Osman Spare, qui est 1886, et sa date de décès, son année de décès, 1956. Austin Osman Spare était un artiste, à la fois un poète et un peintre, mais il était quand même plus connu pour son œuvre picturale. Il va dire que on peut très bien pratiquer la magie au travers d'un dessin ou une peinture. Et il parle de pratiquer la magie dans le sens où l'exposition de certaines images à certaines personnes peuvent influer leur comportement. Donc pour lui c'est ça, la magie, ça se limite à ça. Donc il va introduire la notion des sigils ou sigils, qu'on peut traduire par sceau. Et donc il va dire on peut très simplement dessiner un symbole élaboré nous-mêmes qui n'existe pas forcément dans la tradition, donc on peut inventer ses propres symboles, faire des peintures et ainsi transmettre une intention magique. Alors ça peut sembler un petit peu flou comme ça, ou un peu fou, si j'ose dire, mais quand on y réfléchit, c'est pas si bête que ça. Parce que bon, regardez aujourd'hui, en 2024, nous sommes conditionnés par beaucoup de choses. Les médias et les multimédias et les réseaux sociaux ont une grande influence sur notre comportement. Bien évidemment, il y a des personnes qui ne font absolument pas attention et qui font se tête baissée dans tout et n'importe quoi. Mais même les plus prudents d'entre nous, dont je me plais à croire faire partie, nous sommes influencés, que nous ne voulions pas, nous sommes influencés par certaines choses que nous lisons, que nous entendons, que nous voyons, et en tout cas dans mon cas, je crois que la télévision est un des médias qui influe le plus notre comportement. Je dirais même qu'il y a ce que j'appelle les nouveaux cultes. C'est-à-dire la mode ou les vêtements de luxe ou je ne sais pas quoi. Prenons par exemple, je ne sais pas moi, comment il s'appelait encore, je ne sais plus son nom, Yves Saint Laurent, voilà Yves Saint Laurent. Bon, Yves Saint Laurent a quitté, décédé, je ne sais plus en quelle année, mais toujours est-il que sa marque a survécu et qu'on peut encore s'acheter des parfums ou des vêtements Yves Saint Laurent, alors que lui est décédé. Donc c'est ce que j'appelle les nouveaux cultes, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques qui survivent à la mort de leur créateur ou de leur fondateur. Voilà. Et vous regardez en plus en général les gens qui sont comme consommateurs de ce type de produits de luxe, pas uniquement Yves Saint Laurent, il y en a d'autres, mais enfin je ne vais pas mener toute la liste, se baladent même avec les sacs dans lesquels ils ont été faire leurs achats dans ces boutiques de luxe, parce qu'il y a la griffe, la marque du fabricant. Donc voilà, moi c'est ce que j'appelle les nouveaux cultes. Donc je pense que nous sommes dans une société où nous sommes soumis à des médias, des méthodes qui peuvent influer notre comportement. Donc, si ces méthodes existent, je crois que chaque personne, nous pouvons nous-mêmes créer ce même type de média. Par exemple, moi, dans ma musique, premièrement, j'exprime ce qui se trouve à l'intérieur de moi. Ça, c'est la première chose. Mais dans mes morceaux, je travaille beaucoup sur les infrabasses, sur les mélodies, sur les ambiances, et pour transmettre un certain sentiment à l'auditeur. Voilà, il y a des gens qui me disent « Ah, ta musique me relaxe beaucoup », tout comme j'ai des gens qui m'ont déjà dit « Ah ben voilà, moi si j'écoute ta musique avant d'aller dormir, j'arrive pas à dormir. » Donc voilà, donc encore une fois, rien que par l'art lui-même, on peut influer sur le comportement des personnes, ou on peut, je n'ai pas entendu que des choses négatives sur ma musique, certaines personnes m'ont déjà parlé que par les thèmes que j'aborde, hein, et parfois ils sont abordés sur des morceaux instrumentaux, ça ne passe pas forcément par la parole. Il y a déjà des gens qui m'ont dit, ben voilà, grâce à ta musique, je me suis intéressé, j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, ce genre de choses, ou la méditation. Donc voilà, je pense qu'on peut faire passer beaucoup de choses par l'art. Moi, c'est la musique, pour d'autres, c'est la peinture, pour d'autres, ça passe par l'image. Enfin bon, voilà, donc pour moi, la magie du chaos, ce n'est pas c'est pas quelque chose de, qui repose, enfin, en tout cas, ça ne repose pas sur une théorie totalement farfelue. Mais bon, il va y avoir quand même une structure émergente au niveau de la magie du chaos, hein, qui va être l'ordre des Illuminés de Thanateros, donc the Order of the Illuminates of Thanateros, qui va être fondé en Angleterre en 1978. Et il va avoir des rapports qui n'ont aucune valeur scientifique, hein, on ne saurait pas, selon moi, appliquer une démarche scientifique à la magie, ni même à l'ésotérisme en général. Enfin, encore quoique certaines pratiques ésotériques existent de manière très diluée aujourd'hui dans certains soins psychiatriques, mais ce n'est pas le propos de la lecture. L'ordre des Illuminés de Thanateros va se prêter à une expérience. Il va y avoir deux groupes de magiciens, un groupe ancré dans la tradition de la magie cérémonielle style Golden Dawn, c'est-à-dire très, très codifié, basé sur des réunions de groupe avec un certain aspect maçonnique, enfin voilà, où on va invoquer telle divinité, tel ange, etc. Et un autre groupe magicien qui, lui, va travailler de manière tout à fait libre en invoquant, en détournant des logos de marques, que ce soit de marques de produits alimentaires ou certains logos commerciaux qui vont devenir les symboles au centre de leur système magique. Et ils vont créer leur propre rituel. Et puis, bon, ben, il va avoir l'expérience qui va. Et chaque groupe va recevoir les mêmes objectifs à atteindre. Voilà. Il va avoir un rapport qui va être produit par l'ordre des Illuminés de Thanateros, qui va être un peu du 50-50. C'est-à-dire que sur certains objectifs, ben, on remarquera que les adeptes de la magie du chaos ont obtenu de meilleurs résultats, tandis que sur d'autres, c'est le groupe des magiciens, entre guillemets, traditionnels, qui a obtenu les meilleurs résultats. Mais encore une fois, d'une part, ça n'a aucune valeur scientifique, et d'autre part, où pour moi il y a un gros problème, c'est que l'ordre des Illuminés de Thanateros ne va pas révéler quel but magique il fallait atteindre. Donc on ne sait finalement pas grand-chose de cette expérience. Mais voilà, la magie du chaos prend plusieurs choses. Donc c'est-à-dire que plutôt que d'invoquer des entités via des formules en latin auxquelles on ne comprend rien, en utilisant des symboles ésotériques qui nous sont tout à fait inconnus ou ce genre de choses, on ne va pas forcément obtenir de bons résultats, tandis que si on invoque des personnages qui nous sont familiers en inventant nos propres formules, par exemple, il y a dans la magie du chaos, par exemple, on va invoquer le docteur Spock de Star Trek. On va invoquer, je ne sais pas, moi j'ai vu un rapport d'expérience où ils avaient invoqué des marionnettes du Muppet Show. Et puis voilà, parce qu'en fait la magie du chaos pense, mais ça je dois dire que je suis relativement d'accord, que la magie est un phénomène psychologique, voire parapsychologique. Encore une fois, on ne sait pas attribuer un raisonnement scientifique, mais toujours est-il que je vous invite à lire l'œuvre de, comment s'appelle-t-il, de Carl Gustav Jung, qui lui va établir le pont entre certaines pratiques religieuses ou certaines pratiques ésotériques et la psychanalyse, et par là même au niveau de la psychologie. Donc l'œuvre de Carl Gustav Jung, il parle de la psychologie des profondeurs, de l'inconscient collectif, des archétypes qui nous relieraient entre guillemets. Donc voilà, il y a des choses vraiment intéressantes à lire de ce côté-là, et qui peuvent, comment vais-je dire moi, permettre éventuellement de mieux comprendre les systèmes magiques. Par rapport aux systèmes magiques, il y a eu un livre qui est paru, je ne sais plus, dans les années 2000, j'ai même oublié l'auteur, mais je crois que vous trouverez, vous verrez très très facilement de quel livre je parle. Enfin, de toute façon, je vais le mettre dans la bibliographie, qui s'appelle Le Secret. Donc qui serait la méthode qui aurait employé certaines personnes qui seraient devenues les grands milliardaires de notre monde, etc. etc. Mais en fait, le fameux secret, c'est la loi de l'attraction, qui est une pratique diluée, polissée de la pratique magique. Que ce soit de la magie du chaos ou même des systèmes que j'appellerais plus traditionnels, voilà. Mais quand on parle de magie, on passe pour un illuminé aux yeux de beaucoup de personnes. Mais par contre, quand le livre Le Secret n'a choqué personne, même les personnes rationalistes. Donc voilà. C'était quand même une parenthèse qu'il fallait faire. Donc au niveau de la magie du chaos, donc je ne vais pas revenir sur tous les côtés par lesquels on peut l'exprimer, hein, donc l'art et les médias, mais elle se base sur un système suivant. Tout d'abord, c'est de créer ses propres symboles, ça je l'ai déjà dit, ses propres formules. Alors, bon, elle propose des méthodes pour établir des formules. Par exemple, on écrit, il ne faut jamais écrire une demande négative parce que le cerveau humain a beaucoup plus de mal à interpréter ce qui est négatif, par exemple. Il ne faut pas dire je ne peux pas rater mes examens, mais par exemple dire je veux réussir tous mes examens. Donc après, la magie du chaos va dire, il faut écrire la phrase, barrer toutes les lettres qui reviennent plusieurs fois dans la phrase. Avec les lettres qui restent, essayer de créer une formule magique dans un langage qui nous est propre, ou alors utiliser des alphabets alternatifs, comme l'alphabet énochien, qui serait l'alphabet de la langue parlée par les anges, ou l'alphabet maçonnique, ou même créé pour notre propre alphabet. Donc passer par le symbole au travers du sigil ou sigil, mais à ce moment-là, la magie du chaos, mais je dis la plus répandue, dit que tout doit être détruit, c'est-à-dire vous faites votre demande, puis vous détruisez tout, les symboles que vous avez inventés, vous devez les détruire, et essayez d'oublier vos formules, et essayez d'oublier votre demande, ce qui n'est quand même pas très, très évident. Donc voilà. Mais il faut noter qu'en 1981 va se fonder une école, enfin une secte, là je crois qu'on peut parler vraiment de secte, au sens négatif du terme malheureusement, qui va s'appeler le Temple de la Jeunesse Psychique, qui est en fait une émanation du groupe avant-gardiste Psychic TV. Et cette école de magie, le Temple de la Jeunesse Psychique, donc en anglais Temple of the Psychic Youth, va pratiquer les formes de magie du chaos les plus extrêmes, passant même par les modifications corporelles. Mais à l'époque, en tout cas, en ne passant pas par des chirurgiens, en faisant des transformations physiques par le piercing, la mutilation, ce genre de choses, quoi. Donc, c'était, moi j'ai trouvé un petit peu cette organisation un peu malsaine, d'autant plus qu'en guise d'initiation, pour y entrer, il faut regarder un film de 4 heures, si on peut appeler ça un film, qui s'appelle First Transmission, donc première transmission, qui je suis déjà tombé dessus, j'ai pas su regarder plus d'une demi-heure, tellement c'est abject. Je ne décrirai pas ici les scènes qu'on voit, mais c'est horrible, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, et je vous déconseille fortement de le regarder, sauf si vous voulez vous mettre mal, mais donc je vous déconseille fortement de regarder cette chose. Mais si je parle du Temple de la Jeunesse Psychique, c'est parce qu'elle va aller dans le sens inverse en disant qu'il ne faut rien détruire. Il ne faut rien détruire parce que lorsqu'un rituel est décrété, il y a ce qu'on appelle le lien magique, et qui doit être constamment nourri pour être de plus en plus efficace. Donc c'est-à-dire qu'on va conseiller notamment de faire des sigils, de les conserver précieusement, de chaque jour aller les alimenter par des formules magiques, ou en déposant dessus nos fluides corporels, donc tout ce que notre corps produit, salive, sperme, citrine, excréments, urine, enfin vous voyez, et que donc voilà, ça rend les rituels les plus efficaces, les rituels de magie de chaos plus efficaces. Donc voilà, ce sont deux écoles. Notons que le Temple de la Jeunesse Psychique va être dissous en 1991, mais malgré tout, dans les fins des années 2000, quelque chose comme ça, j'ai pu constater qu'il y avait une petite survivance qui existait. J'ai eu communication avec eux alors que c'était juste pour me renseigner, mais j'ai appris que pour en devenir membre, il fallait envoyer une petite languette. Sur lesquels le candidat, si je veux dire, doit déposer tous les fluides corporels, un échantillon, et que ces petites languettes sont enfermées dans un coffre-fort, ce qui nourrit le pouvoir magique de l'organisation. Voilà. Mais bon, là, sur ce coup-là, je ne vous cache pas que j'ai eu l'impression d'avoir... j'ai eu le sentiment plutôt d'avoir affaire à des gens qui n'étaient pas très bien dans leur tête, quoi, voilà. Enfin, je ne les condamne pas, mais c'est un peu l'impression que j'ai eue. Donc voilà, je vais en arriver à ma conclusion. Donc la magie est une croyance, même si certains ont essayé de la rationaliser, non, c'est pas possible. Sauf qu'il y a Gustav Jung qui donne des pistes intéressantes. Moi, je crois que la magie est un phénomène psychologique et parapsychologique, et qu'elle en fait, qui en fait repose surtout sur la loi de l'attraction. Donc, je pense que ce n'est pas tellement. On peut avoir une influence sur les autres, comme je l'ai dit, par les médias, par les démarches artistiques et tout ça, mais que la première personne qui se transforme au niveau de la magie, c'est le magicien lui-même, en fait. Par ses rituels, il agit, ça aussi, Carl Gustav Jung en parle beaucoup, dans la psychologie des profondeurs, que, en fait, il reprogramme son subconscient, et sans s'en rendre compte, il va attirer à lui ce qu'il recherche, voilà. Moi, ce sera un petit peu ma conclusion. Je reviendrai sur la magie du chaos avec des documents et des exemples qui seront mis à votre disposition via mon projet artistique ZSCP Industries, pour ceux qui le connaissent déjà, où j'exposerai certaines méthodes possibles de magie du chaos. En tout cas, moi, la magie du chaos, pour moi, telle que je la conçois, c'est au travers de ma musique et de mes pochettes d'albums, où j'essaye de transmettre, enfin, j'essaye de toucher l'auditeur dans son subconscient, voilà. Et non pas pour qu'il se soumette à ma volonté ou qu'il se soumette à quoi que ce soit, mais pour l'emmener dans un voyage, vais-je dire, qui peut l'amener à des réflexions ou à un certain éveil pour la spiritualité. Et ça, j'ai déjà eu beaucoup de témoignages d'auditeurs qui m'ont dit que voilà, ça avait éveillé certaines choses chez eux, tandis que d'autres m'ont dit que non, ma musique ne leur convenait pas, quoi. Donc voilà, je crois qu'elle a... elle a une influence réelle et c'est un peu ce que je recherche. Voilà, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez, en commentaire de cette publication, poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Voilà.